بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثامن عشر 18e درس après que nous ayons parlé en ce qui touche à sahaba يعني un peu on a brièvement parlé ce qui touche à la hizbiya à la démocratie car ce sont des choses importantes que l'enfant doit apprendre depuis petit pour ne pas par la suite se laisser embrigader par toutes ces fausses idéologies qui leur seront qui seront mises devant lui, auxquelles il sera exposé, au moins il les connaîtra depuis l'enfance. Le Hizbiya, il sait que c'est haram. La démocratie, on parle de démocratie parce que c'est le régime le plus appliqué, mais il y en a d'autres. Le communisme, le socialisme, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont des choses qui s'opposent à la charia, à l'islamiyya. Thumma qala, fi sourate at-tis'in, 90e question. Hal lillahi asma'un wa sifat? Est-ce que Allah a des noms et des attributs? Il faut savoir qu'il n'y a pas de choses qui existent sans qu'elles n'aient forcément des attributs, pour qu'elles soient reconnues et se distinguent des autres choses. Donc la réponse, Na'am, la ou asma wa sifat taliqu bi jalali. Que Allah a des noms, et les plus beaux noms comme cela va venir, des attributs qui sied à sa splendeur. Ces attributs lui reviennent à lui. On ne connaît pas le comment, mais on en comprend le sens, car Allah nous parle avec ce que l'on comprend. Et ceux qui veulent dénuer Allah de ses noms et attributs viendraient à dire qu'ils adorent le néant. Et toute chose qu'ils voudraient affirmer à Allah, on leur dira, si vous avez attribué telle chose, alors attribuez telle chose également. Certains vont vous dire, par exemple, Allah existe. Ils vont refuser de dire que Allah, par exemple, a des mains. Ils vont dire, parce qu'en disant que Allah a des mains, on va le faire ressembler à sa créature. Mais ils vont te dire, est-ce que Allah existe? Ils vont te dire, oui, il existe. On dit, ben nous aussi, on existe. Ils vont te dire, son existence n'est pas comme la nôtre. Bon, on dira, ses mains ne sont pas comme la nôtre également. Le mot existence, on le connaît. Mais son existence à lui, d'accord, n'est pas comme la nôtre. Allah, il a une vie qui n'a pas de début. Il a une vie parfaite. Plein de choses qui lui sont propres à lui. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'ils affirment avec leur raison, ils seront obligés de le reconnaître également dans la législation. Sans quoi ils tombent dans la contradiction. Donc, Allah sont les plus beaux noms, invoquez-le avec. Al-A'raf, verset 180. Donc, Allah Azza wa Jal lui-même affirme qu'il a les plus beaux noms et il faut l'invoquer avec. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et que Allah a le plus haut exemple, c'est-à-dire par rapport à ses sifat, elles sont les meilleures, ses noms également, et il est le puissant et le sage. Donc Allah, dans son verset, a affirmé cela, et a affirmé parmi ses noms, le puissant, dans le sens et la traduction du sens approximatif, et le sage. An-Nahl, les abeilles, verset 60. Après 91e question, il demande d'écrire une chose aux enfants de Sourate Al-Ikhlas, donc cela n'a pas lieu de te citer ici. ثم قال في سؤال الثاني والتسعين, 92e question. كم أسماء الله? Allah, combien a-t-il de noms? قال في جواب كثيرة لا نعلم عددها ومنها 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. Donc Allah a beaucoup de noms, nous ne connaissons pas tous leurs nombres. Mais parmi ces noms-là, il y en a 99, celui qui les mémorise et les comprend entrera au Jannah. Comme dans le hadith de Aïcha, قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعصي ثناء عليك. En premier lieu, par rapport au fait qu'on ne connaît pas tous les noms d'Allah, il dit, je ne peux compter toutes les éloges que je peux faire pour toi. Et ces éloges reviennent à les nommer avec ses plus beaux noms. Et d'autres hadiths montrent qu'Allah Azza wa Jal a des noms qu'il a gardés auprès de lui qu'on ne connaît pas. Donc ils sont plus que 99. Et le hadith rapporté par Muslim. Donc à Zalik, parmi la preuve que ces 99 noms cités là font entrer au Jannah, pour celui qui les aura mémorisés et compris, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un Nabi Hurayra, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, miyatan ila wahidan, man ahsaha dakhal al-Jannah. En fait, le hadith, ou le hadith muttafaqun alayh. Le sens du hadith serait que il y a 99 noms d'Allah, c'est-à-dire 100 moins 1, celui qui les retient, c'est-à-dire les mémorise et les comprend, rentrera au paradis. Donc le hadith ne dit pas que Allah n'a que 99 noms, mais il dit qu'il y a 99 de ces noms, celui qui les connaît, mémorise et autres rentrera au paradis. Donc bien comprendre. Et ceux qui ont dit que les noms de Allah sont 99, ils sont trompés. Et d'ailleurs, des ulama en ont dénombré certains, comme Cheikh Al-Thaymin, dans avant dans Qawaid al-Musla, et autres ulama, même notre Cheikh Yahya al-Hajouri, ils ont compté plus de 99, bien plus. En se basant sur les adillah authentiques du kitab de la sunna. Et certains adillah, comme des hadiths, certains ils ont un khilaf. Ils ont un khilaf entre ce que les ulama ont authentifié et ce qu'ils ont affaibli. Et sans compter ces hadiths-là sur lesquels il y a divergence, les noms d'Allah Azawajal qui ont été comptés dans le Coran et dans la Sunna dépassent le nombre de 100. ثم قال في سؤال الثالث والتسعين 93e question. اذكر عشرة من أسماء الله. Cite 10 parmi les noms d'Allah. فقال الرحمن. Le tout miséricordieux. الرحيم. Le très miséricordieux. الملك. Le roi. Al-Quddus, on dira traduit par le pur. Al-Salam, l'apaisant. Al-Mu'min, le croyant, celui qui croit en l'iman de ses croyants. Al-Muhaymin, le dominant ou prédominant. Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Jabbar, le contraignant. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Comme cela est dit dans la parole d'Allah, dans le verset d'Allah. Qala subhanah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, première partie du verset, il dit wa ar-Rahman ar-Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma' al-husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim al-hashr. Exode verset 22 à 24, dans lequel Allah Azza wa Jalla réunit tous ses noms cités précédemment. Qu'il est Allah, celui dont il n'a d'une divinité en droit d'être adoré, ce n'est lui, le connaisseur de l'invisible du futur, et de ce qui est apparent, et de ce qui est caché. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est Allah, celui dont il n'a d'une divinité en dehors de lui, digne d'être adoré, il est le souverain, le pur, l'apaisant, le croyant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Qu'Allah soit purifié de ce qui lui associe. Il est Allah le créateur, le façonneur, celui qui donne le début à chaque chose. Il a les plus beaux noms. Il a akhil aya, wa huwa al-aziz al-hakim. Et quant au fait de dire qu'Allah s'appelle Mutakabbir, l'orgueilleux, ce nom-là pour une créature comme pour l'homme, cela serait un défaut. Car le Mutakabbir, celui qui refuse la vérité et qui se croit plus haut que la vérité. Il se croit au-dessus de la vérité, n'accepte pas. Mais pour Allah Azza wa Jalla, la vérité est sa création. D'ailleurs, la vérité est parmi ses noms. Al-Haqq min asma'illah. Là, qu'il est, on parle de la vérité, celle qui est makhlouqa, qui est créée. Allah Azza wa Jalla est son créateur, donc il est au-dessus d'elle. Allah est au-dessus de la vérité. On parle de la vérité qui est créée. Donc, Mutakabbir est un nom qui lui revient. Et en lui revenant à Allah Azza wa Jalla, cela est un éloge. Même par rapport à la créature, cela est un blâme. De dire un tel, c'est un orgueilleux. C'est un défaut, et un très mauvais défaut. Non. ثم قال في السؤال 94e question. بماذا تسمى أسماء الله؟ Comment sont nommés les noms d'Allah؟ قال الأسماء الحسنى. Ces noms sont nommés comme étant les plus beaux noms. الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى. Les plus beaux noms. Car les gens peuvent se dire, je ne vois pas la beauté dans tel et tel mot. On dit la beauté, tu ne la vois pas parce que tu n'as pas compris ce que ce nom englobe comme sens dans ce qui touche au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens voient le côté commun avec le nom qu'il y a chez la créature. Bien évidemment, ce côté de la créature, cela a un manque. Tu vas dire, par exemple, quelqu'un, il est qawi, il est fort. Sa force, elle est limitée. Tu pourras lui donner des charges à supporter, au bout d'un moment, il ne pourra plus. Allah Azza wa Jal est fort, il peut tout supporter. Et il peut tout faire. Ou à la Kulishin Qadir. Sa force est illimitée. Donc à ce moment-là, la force prend toute sa splendeur et le nom lui-même du fort prend toute son ampleur pour celui qui aura médité les sens. Et il en est de tel pour les autres noms. Et je refais une correction que j'avais fait dans, je pense, c'était dans Al-Mabadi Mufida. J'ai traduit les noms d'Allah par prénom. Je répète, c'était une erreur de ma part, Astaghfirullah wa Tawbah ilayh, car prénom c'est pour la créature. Car prénom c'est quelqu'un qui aurait deux noms, plusieurs noms. Le prénom serait pour ce que le nom qui vient en premier. Comme par exemple chez les Occidentaux, on a le prénom après le nom de famille. Le prénom c'est ce qui vient en premier. Et pour Allah Azzawajal, cela ne s'applique pas, ne convient pas. Non. Donc je reviens par rapport à cette erreur-là, c'était une erreur de traduction. Car je n'avais pas fait attention au sens réel du mot prénom en langue française. طيب بعد هذا نعم فخلاص هذا هو سايتي سي aujourd'hui وهذا فيه كفاية والحمد لله رب العالمين